ses triomphes à Rome. Ses guerres terminées, il triompha 5 fois, dont 4 dans le même mois après sa victoire sur Scipion, mais à quelques jours d'intervalle, et la 5e après la défaite des fils de Pompée. Il triompha de la Gaule, et ce fut le premier et le plus beau de ses triomphes, ensuite d'Alexandrie, puis du Pont, puis de l'Afrique, et en dernier lieu de l'Espagne, toujours avec une pompe et un appareil différents. Le jour où il triompha de la Gaule, comme il traversait le Vélabre, il fut presque jeté hors de son char, dont l'essieu se rompit. Il monta au Capitole, à la lueur des flambeaux, que portaient dans des candélabres 40 éléphants rangés à droite et à gauche. Dans son triomphe du pont, on remarqua, entre autres ornements de la pompe triomphale, un tableau où étaient écrits ces seuls mots « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », qui ne retraçait pas, comme les autres inscriptions, tous les événements de la guerre, mais qui en marquait la rapidité.